Link a buté Ganon et le jeu est terminé. Il ramène Zelda dans son vieux palais. Et vers le soleil couchant, il chevauche vers la forêt en quête d'une nouvelle aventure magique. Quand le jeu est terminé, on se sent un peu triste. Faut attendre le prochain Zelda à venir. Alors en attendant, faut faire les quêtes secondaires en espérant avoir le prochain opus. Goodbye Link, à la prochaine. Reviens vite avec Epona, raconter de belles histoires. Goodbye Link, sayonara. On espère qu'on se reverra d'ici le prochain Zelda. En attendant, sayonara. Goodbye Link, sayonara. On espère qu'on se reverra d'ici le prochain Zelda. En attendant, sayonara.